Chapitre 8. Concarneau. Connaît-on bien Concarneau? C'est un port avec fortifications anciennes et modernes. Il nous en vient chaque jour des sardines par centaines de mille. La pisciculture y possède un curieux établissement qui est à la fois une exploitation commerciale et un lieu d'étude. Sait-on bien tout cela? J'y suis allé, moi qui vous parle, comme on dit en Provence. Laissez-moi vous dire quelque chose de Concarneau. Au pied d'une côte boisée s'étend un bassin d'environ 450 mètres de largeur, au milieu duquel se dresse un îlot armé de tours, de créneaux et de mâchicoulis. C'est l'ancien Concarneau, la ville close, naguère repère de brigands, pris par Du Guesclin sur les Anglais, assiégé plusieurs fois sous la Ligue par les deux parties. En 1806, le vaisseau Le Vétéran, commandé par le prince Jérôme, pénétrait jusqu'au fond de l'Anse, à travers les écueils qui bordent le chenal et sous le feu des vaisseaux anglais qui le poursuivaient. On montre l'endroit où il a stationné une année durant, à l'abri du fort, sans que les Anglais osassent en risquer l'approche. Les XIVe, XVe et XVIe siècles ont concouru à le fortifier. Il est occupé encore aujourd'hui par quelques gardes d'artillerie et du génie. Et j'y ai vu un petit arsenal qui contient de quoi monter 71 canons sur les batteries de la côte. Ce fort, sur ce rocher entouré d'eau, donne à la ville une physionomie et un certificat d'antiquité. Ce n'est plus seulement une anse favorable, un port de commerce, une bonne station de pêche. Cet îlot a un passé et une histoire. Le port s'ouvre devant la ville close, du côté du sud. Il communique par deux étroits passages, desséchés à marée basse, avec le bassin du nord, qu'on aperçoit d'abord en descendant à Concarneau. Il est 6 heures du soir. Les pêcheurs reviennent, voiles déployées. La passe franchie, on cargue, et chaque bateau, à l'aide des rames, vient se ranger à sa place, dans un bassin réservé, le long du quai. Ils sont là 200 ou 300, les filets suspendus d'un mât à l'autre, avec les lièges en l'air, pour sécher jusqu'au lendemain matin. Les femmes, les filles, les enfants accourent avec des paniers. On jette les paniers dans le bateau. Les pêcheurs les remplissent de 200 sardines chaque, les replongent à l'eau pour les rafraîchir et les hissent sur le quai tout dégoûtant. Pendant 1 heure ou 2, c'est un va-et-vient continu des bateaux à la frégasse. J'ai déjà expliqué ce mot. Et de la frégasse au bateau. Certains bateaux ont pêché 7, 12, 15 et jusqu'à 20 000 sardines. C'est l'œuvre d'une journée pour un seul bateau, mais non de tous les bateaux ni de tous les jours. L'adresse n'y fait pas moins que la chance. Sur la margelle du quai, de vieilles bonnes femmes s'agenouillent devant les bateaux et marmottent des prières. Les pêcheurs leur jettent quelques sardines et elles payent tout de suite en monnaie d'ave, pour recommencer vite ailleurs. Eh, que faites-vous, bonne femme, de tous ces poissons? Eh, je les vends donc, et je mange les autres. J'en mangerai une douzaine ce soir à mon souper. Puis, sur un autre ton, mon bon monsieur, que ne me donnez-vous l'aumône, et je vais prier pour vous. Et l'aumône reçue, elle se signe et prie. Au bout du quai, d'autres femmes, accroupies en cercle et la pipe à la bouche, disposent la sardine, au sortir de l'eau, dans des paniers, semant chaque couche d'une poignée ou deux de gros sel. La sardine empaquetée ainsi est entière, mais tout auprès, dans un établissement spécial, avant de l'emballer dans les paniers ou de la mettre en boîte, on l'étripe, c'est-à-dire qu'on enlève la tête et qu'on vide le dedans. C'est la préparation au sel la plus simple. La préparation à l'huile, sans être bien compliquée, l'est davantage. Nous ne chercherons pas loin une frégasse. En passant dans une ruelle, nous entendons des femmes qui chantent en chœur. C'est là. On étend d'abord la sardine sur des clayons en laiton. On l'expose à l'air et elle sèche. Le lendemain, elle est mise en boîte, arrosée d'huile, puis en soude. Il se faisait dans cet établissement 5 000 boîtes par jour, ce qui représente à 25 par boîte 125 000 sardines. Ces femmes sont payées à la tâche. Elles peuvent gagner 2,50 francs à 3 francs par jour. Mais elles travaillent dès 5 heures du matin et veillent quelquefois jusqu'à minuit et plus tard si l'ouvrage commande. Il faut encore remarquer que la pêche ne dure que 4 mois environ, de la mi-juin à la mi-octobre. Le reste de l'année, elles sont donc obligées de trouver un autre genre de travail. Cette année, la pêche a été d'une abondance exceptionnelle. Les pêcheurs s'en plaindraient presque. Leurs gains, en effet, ne sont pas plus avantageux que dans une année médiocre. Dans le cours de la semaine où je me trouvais à Concarneau, du 22 au 29 septembre, il s'est vendu, chiffre officiel, 1 995 000 sardines, qui ont produit 1 361 francs, soit 6,40 francs par mille. Cette moyenne est élevée si on la compare à certaines moyennes de juillet qui, au plus fort de la pêche, sont descendues à 4 francs, 3,50 francs et même 2,50 francs. Mais ces moyennes, si fortes ou si faibles qu'elles soient, ne représentent pas encore le prix réellement payé aux pêcheurs. Nous verrons tout à l'heure comment il s'établit, si le gain est proportionné au travail, si les pêcheurs ont raison de se plaindre et de qui. Les négociants propriétaires de frégates sont les rois de Concarneau. Ils sont maîtres de tout, maîtres des bateaux, et quelques-uns possèdent jusqu'à 40, de sorte que les pêcheurs, patrons ou matelots, ne sont pour la plupart que des ouvriers, des tâcherons, maîtres des agrès qu'ils monopolisent. Maîtres de la roque, c'est le nom de l'appât à l'aide duquel on prend la sardine. Ils la font venir de Norvège, l'y achètent 20 ou 30 francs le baril et la revendent 80 francs aux pêcheurs. Ils sont de plus propriétaires des maisons où logent les pêcheurs, de telle sorte qu'ils les tiennent en sujétion par le logement et par tous les instruments de travail. Ce ne sont pas les négociants que je blâme, ils font le commerce. Ils en suivent les traditions et les usages. Je blâme les pêcheurs d'avoir, par leur imprévoyance, par leur négligence, par leur insouciance, livré aux négociants le moyen de les exploiter. Pourquoi, quand vient octobre, n'ont-ils pas de quoi payer leur loyer? Le négociant consent des délais, des réductions aux locataires, pour se rattraper sur l'engagement qu'il fait contracter aux pêcheurs. Pourquoi, avec les relations extérieures que crée nécessairement un port de commerce, si humble qu'il soit, n'avise-t-il pas à s'approvisionner de leurs principaux instruments de travail, voitures, filets, appâts? Pourquoi, enfin, après 15 ou 20 années, se trouve-t-il aussi dénué qu'au premier jour, courant la mer sur un bateau d'emprunt, ouvriers à la solde et jamais propriétaires? Ainsi, avant de murmurer contre les négociants, c'est d'eux-mêmes que les pêcheurs doivent se plaindre, chacun de tous et tous de chacun. Le commissaire de la marine a voulu naguère s'occuper de leurs intérêts. Les uns ne s'y prêtaient qu'avec défiance, les autres traitaient par derrière avec les négociants. Aussi, qu'arrive-t-il? Les pêcheurs qui sont à la solde des négociants subissent des cours et des prix qu'ils ne font pas, tandis que ceux qui sont propriétaires de leurs bateaux sont écrasés et par leur petit nombre et par l'impuissance de leurs camarades. Ceux-là se sont annulés eux-mêmes, ceux-ci sont annulés par la faiblesse de leur concurrence, de sorte qu'il est vrai de dire qu'en réalité, ce sont les négociants qui font les prix. Voyons maintenant si les prix, même les plus élevés, sont rémunérateurs. Le pêcheur part à 4, 5 ou 6 heures du matin. Il reste en mer jusqu'au soir. On ne tient pas compte du danger. Moi, j'y songe. Quoique, comme on dit, ce soit des marins et que d'aller sur mer soit leur métier. Prenons la moyenne indiquée plus haut, 6,40 francs. C'est le commissaire de la marine qui l'établit, d'après les prix des ventes. Sur cette somme, on prélève 2 francs pour les avances, les avaries, les réparations nécessaires, pour les étoffes, enfin, comme on dit dans la langue typographique. Reste 4 francs 40. Là-dessus, le propriétaire du bateau, soit négociant, soit marin, prélève encore les 2/3 comme propriétaire. Ego nominor leo. Reste 1 franc 45, 1 franc 50, qui sont partagés entre 4. Le patron, qui a la part la plus forte, les 2 matelots et le mousse qui, naturellement, est le plus faiblement payé. Dans les jours où la pêche est bonne, les matelots se trouvent avoir gagné 2 francs 50. Si modeste qu'il soit, ce gain paraît à peu près raisonnable, si l'on tient compte du bon marché qui règne dans ces contrées et qui donne à l'argent une valeur plus haute, et des ressources personnelles que les pêcheurs trouvent dans la pêche qui compose leur nourriture quotidienne. Il n'en est pas de même si l'on considère les dangers courus, les bénéfices énormes des négociants et l'irrégularité des moyennes, dont celle de 2 francs 50 est l'une des plus fortes. À cette situation précaire dans laquelle les pêcheurs se laissent retenir toute leur vie, il y a 2 remèdes, aussi difficiles l'un que l'autre à appliquer. Il faut demander à des hommes habitués à la pauvreté, insouciants par métier, durs pour eux-mêmes quand ils n'ont rien, prodigues les jours de paye, de se corriger de leurs traditions invétérées, d'être toujours sobres, économes, prévoyants. C'est demander beaucoup. Avec les réserves qu'ils amasseront par cette conduite, ils peuvent se relever de leurs suggestions, acheter un bateau, se procurer à des prix raisonnables les agrès, la rogue, et payer leur loyer régulièrement s'ils ne peuvent acquérir la maison qu'ils habitent. Est-ce trop de besogne pour un seul? Qu'ils s'associent. Maîtres de la mer, ils sont maîtres du marché. Leur situation serait excellente s'ils en savaient profiter. Ce n'est pas là l'opinion d'un voyageur qui passe, mais celle d'un fonctionnaire qui vit au milieu d'eux, qui les aime, qui les connaît et qui voudrait concourir à leur prospérité. L'établissement de pisciculture, dit de M. Coste, est la propriété d'un particulier, M. Guillou, autrefois pêcheur à Concarneau, maintenant chevalier de la Légion d'honneur et en passe de s'enrichir si la chose n'est déjà faite. On raconte que M. Guillou, lorsqu'il servait sur les bâtiments de l'État, se trouva en 1836 à bord de l'Andromède, qui transportait le prince Louis-Napoléon en Amérique à la suite des événements de Strasbourg, qu'il fut attaché à la personne du prince durant la traversée, et que, parvenu au trône, le prince se souvint du matelot, à moins que le matelot ne se soit souvenu du prince le premier. Quoi qu'il en soit, M. Guillou méritait sans doute que la faveur souveraine s'arrêta sur lui. Il a su, d'une modeste situation, s'élever à une situation plus haute et s'en montrer digne. Il possède un établissement important et qui prospère. Installé sur une berge couverte de roches et les murs baignant dans l'eau à marée haute, il ressemble, par le côté qui regarde la mer, à un blockhaus percé de meurtrières. Quoique fort solidement bâti, le mur n'a pas résisté au coup de vent du 4 décembre dernier. Il s'est écroulé sous l'effort des vagues, et 5 000 langoustes ont repris le chemin de la pleine mer. Ça a été, tant en poissons que pour les réparations nécessaires, une perte de 15 000 francs. Cette somme est la rançon de l'expérience acquise. 4 grands bassins séparés par des murs épais contiennent des espèces différentes. Ici, les langoustes, là les homards, se blottissant dans les coins, s'accolant aux roches, aux murailles, aux escaliers. On en compte 3 ou 4 000 des unes, 2 000 des autres. Dans un autre bassin gisent les huîtres, dans un quatrième les turbots, larges, épais, la peau sablée, la gueule toujours béante pour saisir la proie. Les sols aux taches épatées, les grondins ou rougets de mer, les vives, les vielles, etc., etc. L'eau se renouvelle 2 fois par jour à mer haute par des ouvertures pratiquées dans le mur de défense. Aussitôt qu'elle arrive, tous les poissons quittent le fond, s'élèvent à la surface et s'y viennent rafraîchir. C'est la pêche qui alimente ces viviers. Chaque soir, des pêcheurs apportent leurs poissons et spécialement des langoustes et des homards. La langouste produit 90 000 œufs par an. Mais il faut de 7 à 8 années le temps de faire un bachelier pour que toutes ces petites langoustes deviennent présentables. Le savant est doué de patience, mais le commerçant n'attend pas. L'autre partie de l'établissement est consacrée à la science ichtyologique, à l'étude, à l'éducation des poissons. Il n'y a qu'une salle encore, mais déjà fort intéressante. Au milieu, un bassin de 3 mètres de long sur 1 mètre et demi de large contient des congres, des anguilles, des galères. On ne sait rien encore, ni des mœurs, ni du sexe des congres. Ces longs reptiles d'eau sont tellement habitués à vivre dans les trous des rochers qu'il a fallu leur en offrir au moins l'image. On leur a donné des tuyaux en terre cuite dans lesquels ils s'enferment le milieu du corps. On les touche avec une canne, on les tracasse. Ils sortent à grand-peine de leurs tuyaux, mais pour y rentrer bien vite. La galère glisse sur l'eau comme un petit ballon bleu clair qu'aurait gonflé le gaz. Derrière elle, une longue et mince écharpe trace un léger sillage azuré. Des aquariums sont disposés tout autour de la salle. Le cheval marin, en forme de chimère, s'élance à la surface à l'aide d'une hélice qu'il porte sur le dos. Les vielles étalent leur couleur chatoyante. Les turbots prennent la couleur du sable sur lequel ils reposent. De petits homards dressent leurs pinces et nous serrent les doigts par manière de jeu, tandis que de petites raies apprivoisées nous caressent les mains et nous regardent d'un œil tendre. Je termine ici ces souvenirs de Bretagne. De gré ou de force, j'ai omis bien des choses. Je n'ai parlé ni de l'admirable cathédrale de Quimper, ni du vaste et beau cloître ogival de Pont-l'Abbé. Je n'ai vu ni Saint-Paul ni Carhaix. J'ai remis à l'année prochaine une excursion aux îles d'Ouessant. De l'histoire et du passé, je n'ai rien dit, ou à peu près. J'ai laissé Merlin dans sa tombe. J'ai laissé les dolmens et les menhirs dans leur solitude. Mais avant de quitter cette chère Bretagne hospitalière, dont le nom seul inspire le respect et reporte l'esprit dans les vieux âges, j'ai voulu m'arrêter quelques instants à Lorient, où est né, où repose le dernier poète qui l'ait chanté. Briseux. Canons et mortiers tonnaient au polygone, tandis que je m'acheminais par les allées de Carnel vers le cimetière, cet asile de paix. C'est là, aux environs et en vue du Scorff, que s'élève le sobre, sévère et harmonieux tombeau du barde breton. Sur une table en granit repose une couronne d'immortelles et un style entrelacé. À l'extrémité, une croix à trèfle dans le fût de laquelle se détache un médaillon en marbre blanc. On lit dans les bras de la croix à Briseux, et au-dessous, des branches de chêne et de bruyère croisent leurs rameaux et couronnent le médaillon. Le poète ne souhaitait pas tant d'honneur. « Vous mettrez sur ma tombe un chêne sombre », avait-il écrit, et son vœu a été accompli. Un chêne s'élève derrière la croix, et, comme pour marquer la rapidité des années, l'ombrage déjà de ses rameaux.